Constantin Cavafy à la table voisine. Il doit avoir 22 ans à peine, et pourtant je suis sûre de l'avoir possédé il y a au moins autant d'années. C'est plus qu'une simple illusion. Je viens d'entrer dans ce casino, je n'ai pas encore eu le temps de me griser. Oui, j'ai déjà joui de ce corps. Où était-ce? Je me souviens plus, mais c'est sans importance. Maintenant qu'il s'est assis à la table voisine, je reconnais chacun de ses gestes. Sous les vêtements, je vois nu le corps aimé.